Garçon, s'il vous plaît. Oui. Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà, madame. Attention, la tasse est chaude. Merci. Je peux avoir du sucre et une cuillère? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Combien je vous dois? 1,40€.